Nacional. Longe da vista, perto do coração. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Madinina beautiful, beautiful. Stanis, Sasa. Tu ne devineras jamais ce qui me motive pour toujours à jamais. Mon île, j'aimerais à gravir les sommets qui mènent à la réussite. Martinique. Sur le 96.2, si vous voulez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 20h. C'est votre émission Groupe Tropical. Groupe Tropical, toute l'actualité musicale qui nous vient de la Caraïbe, avec cette petite nouveauté, justement, avec, c'était ça, là, avec, je sais plus du tout, je sais même plus ce que je dois dire à mon chat. Ne vous inquiétez pas, c'est le coup de s'y remettre. Hein. Sur le 96.2 et Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, je vous propose du très très bon son avec du zouk enfin, du zouk nouvelle génération aussi, sur le 96.2 jusqu'à 20h, du plein de soleil. Très très bonne soirée en ma compagnie. Rendez-vous, princesse, isée, ajout, nouvelle, chicha, nouveau goût, tout va changer, me dit vous. Ça, j'en pas ni l'eau chic, mais en coulant pas collé. On volait tempé par baolet, on trompait moins en bas au valet, plus qu'il n'en fallait. Mais en coulant pas collé, on volait tempé par baolet, on trompait moins en bas au valet. Où t'es déjà entré? travers. Oh baby, tout va, oui tout va aller. Nous pas fâcher, tout va. Et baiser, ça l'épée pas effacer. Oh baby, tout va, oui tout va aller. Nous pas fâcher, tout va. Et baiser, ça l'épée pas effacer. Tu l'as une follow, pas compris. Zéro photo, pas compris. Tu vas quitter, pas compris. Attends pas, tu l'as une follow, ça compte pas. Zéro photo, ça compte pas. Tu vas quitter, ça compte pas. Oublie-moi, ne m'attends pas. Oh baby, tout va, oui tout va aller. Nous pas fâcher, tout va. Et baiser, ça l'épée pas effacer. Oh baby, tout va, oui tout va aller. Nous pas fâcher, tout va. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. Chaque jeudi entre 20h, non pas entre 20h, entre 18h et 20h, décidément aujourd'hui j'ai du mal à me mettre sur les routes. Ça va venir, vous inquiétez pas. Je me suis chauffée un petit peu. Je rigole toute seule. Bon, en tout cas, tiens, allez, un fou de moi. Non, oh, il est fou de toi, Silverette. 96.2, votre. Non, je suis pas là aujourd'hui, je suis pas là. Allez, c'est groupe tropical. Je fais bien m'occuper de toi. attention aux détails pour que jamais notre amour ne s'en aille. Tous les jours, night and day. Oh là là, oh là là. Je vais te faire l'amour, night and day. Oh là là, oh là là. Je te serrerai contre moi, night and day. Oh là là, oh là là. Oh là là. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Elle a ce bouton bandé, même dessiné. C'est les vrais pulpeuses qui me donnent des idées. Elle a cette bouton légèrement satinée. ces formes généreuses qui me font saliver. Elle est vraiment bien, pourtant attentionnée. Une femme idéale, une amante passionnée. C'est vrai qu'elle est belle, on dirait une poupée. Elle apprend pas pour le corps, pour une cervelle. À voir l'aider. Que je désire encore. Ella, Ella, tout. Ma bonne idée. Ella, Ella, tout est bien plus que je désire encore. Ella, Ella, tout. Le sexy qui dit la tête pour comporter. Si qu'elle en passe au lieu, c'est elle ou qu'elle est tombée. Pas de biologie, mais faut pas vous faire chier. Si vous voulez pas, si vous l'emmêlez des mots. Si tout va y caler, il n'y a pas de temps pour jouer. Toujours capot des gammes pour rêver réaliser. Pas matérialiste, il est sincérité. Si vous venez pour tout, ils ont mis au pétrasse. Pas bon l'aider. Ella, Ella, tout est bien plus que je ne désire encore. Ella, Ella, tout. Pas bon l'aider. Ella, Ella, tout est bien plus que je ne désire encore. Dans votre émission Groove Tropical, c'était Jimmy Desvarieux avec Ella Tout. D'autres nouveautés, bah oui, pour vous, tiens, une petite nouveauté compa nouvelle génération, j'ai entendu ça l'autre jour, ça m'a bien plu. Monsieur Oswald, bien sûr, ici Ken. 18h-20h, votre émission Groove Tropical. Moi, je suis Ken, et Ken veut Barbie, Barbie, dis-moi si tu veux Ken. On échange bien sur les réseaux, trop direct. Face à l'attaque, faut préparer le katana. Autour y'a des joes, à l'idée comme des piranhas. Ils ont garde poum poum, c'est pas ta nana. Elle n'a vraiment pas le temps pour les bails de sentiments. Toujours les mêmes compliments, faut bien faire la différence. Alors j'ai tenté ma chance, je lui dis ce que je pense. C'était un peu risqué, mais elle a kiffé mes avances. Non, non, je t'avais pas dit M au hasard. Tout comme toi, t'as pas répondu au hasard. À quoi ça sert de perdre du temps? Je suis pas débutant. On échange bien sur les réseaux. Trop direct, c'est mon défaut. Moi, je suis Ken. Et Ken veut Barbie. Barbie, dis-moi si tu veux Ken. On échange bien sur les réseaux. Trop direct, c'est mon défaut. Moi, je suis Ken. Et Ken veut Barbie. Barbie, dis-moi si tu veux Ken. Dis-moi. Elle a dit que je suis un mec impoli. Je suis ton plan favori. La solution. solution contre ton insomnie. Avant que je te livre ce beau colis, je fais déclencher un tsunami. Enfin, on peut vibrer sur du karimi. Je ne sais pas si c'est de la folie. Je kiffe quand y'a pas de limite. Oh, I'm gonna make you lose your mind when you taste it for the first time. For the first time. On échange bien sur l'air et tout. Au direct, c'est mon dévot. Moi, je suis Ken. Et Ken veut Barbie. Barbie, dis-moi si tu veux Ken. On échange bien sur l'air. Rendez-vous dans le lobby. Ce soir c'est un party. Pas au café, même l'église, pas le marié, pas prêt, mais encore. m'a coupé relation pour Dieu. Ça fait l'amour en fini. Mais pour la vie, maman. Ils font bon sac pour ce qui passe. Si on se dévote, moi pas ni temps, pas ni temps. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. We'll be right back. vivre il y a longtemps. Hey. Tropical, les deux divas du zouk, Leslie Fanigio avec un superbe succès pour ce titre, hein, qui caracole en tête, en tout cas, de tous les parades, si, si, je peux vous le dire, avec Cordialement. Sur le 96.2 et Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, la musique continue comme ça avec de très très bonnes choses. 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne, comme tous les jeudis soirs. honnête. Yeah. Fais-moi savoir ce que tu ressens pour moi. Es que nula, nula, nula, es que nula. train de faire la tombe. Il n'y a plus de blagues. Mes amis, c'est du sérieux. Chaque jeudi, entre 18h et 20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Oh. Tu m'as expliqué les règles et il faut que je m'y tienne. Pas d'appel quand t'es à la maison, ce sont tes conditions. Le soir vient que les lumières s'éteignent. Moi je suis seule à la maison, j'ai mes émotions. Ça me semble pas normal, les vrais nounous, pas tes vrais troussés. Mais c'est le destin qui vit ça, donc quand t'as supposé qu'il faut y en faire attention pour un des arbres, mais pas poser. Des messages à tout à l'heure, oh j'ai tombé l'homme. Oh j'ai tombé l'homme. Oh j'ai tombé l'homme. Oh j'ai tombé l'homme. Oh j'ai tombé l'homme. Oh j'ai tombé l'homme. Oh j'ai tombé l'homme. Oh j'ai tombé l'homme. Oh j'ai tombé l'homme. Chérie, ça pas t'es prévenu, mais les vous ont tombé l'homme. Au rendez-vous si plage, je nous finir encore à corps. Nous franchissons les limites, qu'elle nous pas des droits d'oser. Ils ont tombé l'homme, va ou on va qu'arriver d'oser. Et si, bon Dieu, dis qu'elle en fait pour moi, chérie. Posé. Et même si on veut doser, qui est vers envie causer, bébé, on veut pas faire mal, peine en créa, on veut pas causer. Longtemps ça va si contrôle un bon avion qui peut pas poser. Pas si moi ou laisse ça changer, ou si moi ou t'es café, pas mettre la son là en danger, ou ça, ça on veut pas. Longtemps contre à l'âge à pas graffer, nous peut pas faire état. La chasse, moi que nous ensemble, que yo peut pas faire ça. Yo que dit que femme pas bon, que yo ni fils, que yo c'est diable. Nous cassé, before ta F, nous cassons sauver yo comme d'hab. Ou t'es en fait moi la ligne, mais qui t'es yo pas capable. Au final, nous tombé l'homme. Et ça vient contrôler. Et ça vient contrôler. c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. musicale à chaque jeudi 18h-20h. C'est du 100% soleil de la Caraïbe. Et puis sur Orléans, uniquement sur Orléans, il y a qu'ici qu'on voit ça. Bien. Très très bonne soirée en ma compagnie, donc avec les meilleurs titres. Et puis surtout, beaucoup de compas jusqu'à 20h. Ouais, j'avais envie de me faire plaisir à moi aussi. Et tout. Ah ben là, c'est pas ça. C'était pas bon jour aujourd'hui, je trouve, quand même. Bon, c'est pas grave. My girl, you told me that I'm not your love interest. See my girl, the last time that I checked. See nothing ain't changed yet. Except that I got a big bike and a big flag. Me nobody come me nonsense, my nigga. Streets is so cold, my nigga. Me nobody come try cry me a river. I'ma pull through like the strings on my guitar. Nonsense, my nigga. The streets is so cold, my nigga. But nobody come try cry me a river. I'ma pull through like the strings on my guitar. So cold outside, my brother. I don't want pull no trigger. I just want you. What's up, going please? I don't want no wahala. It's so cold outside, my brother. We are not the hate on the brother. Me, I just want it, cause I can't please this. I don't want no wahala. It's so cold outside. Me, I know they left nothing to worry me. I know they left nothing to bother me. They no honor no one apology. They no say she don't know they bother nobody. Me, I know they left nothing to bother me. I know they left nothing to bother me. They no honor no one apology. They get me. Ain't nobody tell me nonsense, my nigga. Streets is so cold, my nigga. Ain't nobody come try cry me a river. I'ma pull through like the strings on my guitar. Nonsense, my nigga. Streets is so cold, my nigga. Ain't nobody come try cry me a river. I'ma pull through like the strings on my guitar. So cold outside, my brother. I don't want pull no trigger. I just want me, cause I'm going please. I don't want no wahala. It's so cold outside, my brother. Me, I know they left nothing to worry me. I know they left nothing to bother me. They no honor no one apology. We no say she don't know they bother nobody. Me, I know they left nothing to bother me. I know they left nothing to bother me. They no honor no one apology. They get me, it's so cold outside. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Sous son faux mouvement belle dada, gardez l'autre dame et j'ai dit, pas qu'il fasse ça sous tes jolos. Tendez non, si t'es trop bien coupé, pas si intéressant ça et vous dit, pas qu'il vous pleut ça ne fait nous. Si vous connaissez vous d'un bon mauvais, gardez l'autre dame et j'ai dit. Ou pas qui klaxonne ça dans machine. Anansi, j'en salague. C'est toujours même si vous combat. Et puis tout le monde qui a pris un coup là. De même vous taille, vous l'avez vu maintenant. Pas qui mou de cob ça dans poche. Oui. Tout le monde se cabelle fond dans ça là. Pague chabou ça n'a rien chaud. Quand tu mènes à pied des bandes de Dieu, qui pas besoin de qui vous achetez poisson bouillon. Le venez à la femme dans les yeux. Pague pique ça n'a griot. Tout si monsieur, tout si mènes à capier blogué là. Gardez Jambi. La guerre vous la bouillon. Bouillon City. Nous pensons à rien déjà. Et puis, j'ai la guerre. dit qu'il te le marché. Yeah. pagne fouillade. Pour tout jamais fouillade. Saúde. chaque jour levé ou chercher. Quand tout est qu'à jouer un amour. Les ou croiser, les blesser. Parce qu'on t'en est sous nous, pas qu'être mon fou. Yo abusé, on s'en esquive. Yo passé une imbécile. Ou l'ouvri cœur sans maîtrise. Ou yo civil, yo j'ai déjà sans surprise. Et y'a qu'on a tombé sous moi. No. Souvenir pour terminer cette émission avec Jazz là et Monsieur Abraham, bien sûr. Vous aviez reconnu le talent de ce grand monsieur. C'était le volume 1, sorti il y a plus de 10 ans, je crois. Ça doit être en 2014. Mais de les compas comme on aime, en tout cas, sur le 86.2. Bah oui, votre émission se termine. C'est pas grave, on va se retrouver bientôt, vous inquiétez pas. Même couleur, même ambiance. En tout cas, je vous souhaite à tous un bien très très bon week-end. Merci de votre fidélité au 86.2. Et je vous donne rendez-vous à dans une semaine, à jeudi prochain. Bye bye. Dans les gènes, broca dans le sang. Criez-moi en belle ex-toupiti, en tombé yadan, en fait. Bon son, son bon, bon potion. Oui, musique pour moi, c'est un passion. Dis pour payer, moi, yeah. Garçon, c'est la langue, oui, quand t'es payé. On nous chanter, chanter, danser. Voyez, musique montée. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. Couleur. Carlos Puigdemont, líder do partido Juntos pela Catalunha, anunciou hoje que vai voltar a concorrer para liderar a região. Está a chover no Funchal, 16 graus a esta hora, 17 em Ponta Delgada, Faro 18, Lisboa 19, no Porto estão 22. As notícias com João Vaz. O Tribunal da Relação de Lisboa declarou nula a decisão do juiz Ivo Rosa em 2021 de enviar José Sócrates para julgamento por 3 crimes de branqueamento e outros 3 de falsificação que o juiz decidiu separar da Operação Marquês. As juízas da relação decidiram mesmo pela nulidade da fase de instrução relativa